Bonsoir et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 1er avril, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Rédaction du Sport sur Arc-en-Ciel, comme vous en avez l'habitude, émission fériée aujourd'hui, mais on est là, on est bien présent pour débriefer avec vous toute l'actualité sportive. Et ce soir je ne serai pas seul, je serai accompagné de Hugo qui est avec nous, cette fois pas par téléphone mais en studio. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Et ouais, du coup, de retour dans les studios. J'étais venu qu'une fois. Ouais, ouais, et, c'est. Et de retour, donc ouais, joyeuse Pâques aussi d'ailleurs, c'est passé, mais joyeuse Pâques à tous. Ouais. Et exactement. C'est ma fête aujourd'hui, c'est le 1er avril. Ça fait beau, ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Saint-Hugues, donc Saint-Hugo. Et puis joyeux poisson d'avril aussi, j'espère que vous en avez eu des bons et que vous avez pu faire des petites blagues aussi, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais, il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, hein, et nous on est bien présents ce soir. Alors, exceptionnellement, l'émission se terminera à 22h ce soir. Donc on sera ensemble jusqu'à 22h. Voilà, on va essayer de débriefer au maximum toute l'actualité. On va démarrer là tout de suite avec une première partie avec un petit flash d'un quart d'heure sur la plupart des sports. Et puis on va partir de juste dans la foulée. On va enchaîner avec le foot comme d'habitude, avec encore pas mal de choses ce soir, puisqu'on va revenir sur la journée de Ligue 1 qui s'est terminée hier. Évidemment, on parlera de ce classico qui avait lieu hier. On reviendra aussi sur les autres matchs de la journée. Avec notamment on avait la victoire de Monaco, la victoire de Lyon, il y a des surprises aussi, Nice qui s'est incliné face à Nantes notamment. Bah, c'est presque plus trop une surprise maintenant. Ouais, non, c'est Nice, c'est une petite Nice, crise. Depuis un petit peu c'est un petit peu moins bien, c'est vrai. Et puis Lille Lens aussi qui ouvrait la journée avec la victoire de Lille 2-1. Voilà ce qui nous attend aussi sur la Ligue 1. Puis il reste d'actualité aussi en Europe aussi avec ce qui s'est passé. On reviendra sur le City Arsenal, un petit peu décevant hier en première ligue, et puis il reste aussi en autres championnats. Évidemment, les directs. Alors, il y aura quelques directs aussi ce soir. On aura en Ligue 2 un match entre Ajaccio, 13e, et le leader Auxerre. Ça, c'est dans 10 minutes. Voilà, vous pourrez suivre ça. En Espagne aussi, il y aura un match à 21h entre Villarreal et l'Atlético Madrid. Mais aussi avec des enjeux hein, pour l'Atlético. Et puis à 20h45 également, on aura Inter Milan face à Empoli, entre le leader et le 17e du classement. Alors qu'il y a eu pas mal de rencontres déjà aujourd'hui en Italie, les matchs qu'il y avait eu aujourd'hui entre notamment Bologne qui s'est imposé 3-0, puis après les matchs nuls entre Sassuolo Udinese, Cagliari Vérone et Lecce à Roma. Voilà, il y a eu des matchs nuls pas mal aujourd'hui. Et puis un résultat tout à l'heure, c'est le match nul de l'USO qui a été tenu en échec à Niort 0-0, donc dans le match de cette 27e journée, pour clôturer cette journée. Voilà donc pour les directs que l'on va suivre ce soir. Et puis des sons, comme d'habitude, on va avoir pas mal de choses tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, démarrons avec, je vous le disais, le flash actu. Hein, on va balayer un petit peu le reste des sports. En commençant avec le handball, avec une nouvelle défaite pour Saran, qui s'est incliné en Star League hein, ce week-end, une nouvelle fois du côté, cette fois à domicile de face à Nîmes, 37-23. Voilà, pas de panique pour Saran qui est toujours hors de la zone rouge, puisque Créteil de son côté aussi s'est incliné face à Toulouse, donc toujours 2 points d'avance hein, toujours précieux ces 2 points pour Saran hein, qui va essayer de les conserver jusqu'au bout. La suite du programme, eh bien ce sera ce samedi, encore une fois à domicile, cette fois ce sera face à Cesson-Rennes. Voilà, il faudra essayer de s'imposer face au 11e du championnat pour essayer de reprendre encore un petit peu d'avance sur cette zone rouge. Créteil, le principal adversaire de Saran, de son côté, recevra Aix-en-Provence qui actuellement est 9e. Voilà un petit peu les tendances donc pour ce week-end en handball. Donc samedi pour Saran à domicile au Palais des Sports, pour essayer tout simplement de rester toujours hors de cette zone rouge et assurer le maintien, on espère, assez rapidement. Voilà ce qui nous attend pour ça. En Ligue des Champions, on aura cette semaine les huitièmes de finale retour. Paris, de son côté, s'est imposé à l'aller 30-26. Montpellier a été tenu en échec, match nul 0-27 partout face à Zagreb. Donc tout est encore possible pour nous, les deux clubs français, pour se qualifier pour les quarts de finale donc de cette Ligue des Champions de handball. Chez les filles, ce sera un petit peu plus tard dans le mois pour les quarts de finale, où on va retrouver Metz donc qualifié oui, pour les quarts de finale, les Messines. En basket, l'OLB eh bien en Pro B continue sa remontée au classement avec une victoire voilà importante là aussi pour rester au contact des playoffs hein, bien entendu à quelques jours maintenant de la fin de cette saison régulière. Deux victoires hein, une première mardi face à Saint-Chamond et une nouvelle victoire à Nantes, c'était vendredi 95-88. Au classement, Orléans reste dans le top 5 hein, toujours 5e avec un tout petit peu donc de retard sur le podium. Voilà, tout est encore possible évidemment, il va rester encore quelques matchs donc là il y a vraiment une possibilité encore réelle de remonter sur ce podium et évidemment d'aller chercher un adversaire un petit peu plus abordable sur les playoffs. Vendredi, nouvelle réception à Comet Arena de Châlons-Rhin cette fois. Voilà pour essayer de conserver cette série pour Orléans face à Châlons-Rhin qui est 7e hein, c'est juste derrière donc un concurrent direct pour les playoffs. Donc voilà là, le rendez-vous qui nous attend ce vendredi pour le basket donc du côté de la Comet Arena. Basket toujours, il reste deux journées en Euroleague hein, pour l'instant. Monaco toujours bien classé hein, puisqu'il y a eu une nouvelle victoire, c'était face à l'Asvel, donc la rencontre 100% française, 87-77 c'est le score. Le Monaco reste contact du Panathinaikos ou encore du Barça, égalité, donc il y aura une vraie réelle chance de finir sur le podium de cette phase régulière puisqu'il restera deux rencontres, la première cette semaine avec réception de Kaunas et ensuite la semaine prochaine l'ultime journée réception du Bayern, donc deux réceptions en plus pour essayer de rester sur le podium et là aussi chercher un adversaire un peu plus abordable en quart de finale donc de cette Euroleague. Et puis du côté de l'Eurocoupe, on aura au moins un club français en finale puisque Paris Basket s'est qualifié deux victoires face aux Lions, London Lions, donc qualification. Pour Bourg-en-Bresse, il faudra passer par un match d'appui après une victoire et une défaite, donc mercredi dernier match à domicile pour essayer de se qualifier, ça fait Beşiktaş, et d'aller chercher une finale 100% française, ce qui serait une première, en tout cas dans ce format-là. Donc, on espère évidemment qu'on aura cette possibilité-là. Et puis, chez les filles, l'Euroleague, on rappelle toujours Villeneuve-d'Ascq aussi en demi-finale. Ce sera le 12 avril, cette demi-finale et ce Final Four qui se déroulera sur le week-end. Voilà pour le basket. On va pas s'attarder sur le reste de la NBA puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps ce soir, mais on fera bien sûr le point la semaine prochaine où la saison régulière là aussi arrive tout doucement à son terme. Encore un gros mois et demi avant cette fin de saison régulière et donc connaître les playoffs. Un mot en tennis, victoire de Jannik Sinner, c'était lors du Master 1000 de Miami, c'était hier la victoire de l'Italien face à Grigor Dimitrov en deux manches 6-3-6-1. Il est d'ailleurs ce lundi numéro 2 mondial puisqu'il est passé devant Carlos Alcaraz, lui battu un peu plus tôt dans le tournoi, donc il grappille une place et il sera probablement numéro 1 mondial dans quelques semaines aussi. Il aura l'opportunité de le faire et de passer le Serbe. En tous les cas, c'est l'Italien qui est vainqueur de ce tournoi cette semaine. Voilà, pas de gros tournoi, en tout cas on attaque la saison sur terre battue avec pour quelques Français, on pense à Gaël Monfils ou encore Benoît Paire qui seront un peu partout dans le monde pour démarrer cette saison sur terre battue, avec bien entendu Roland Garros qui arrivera dans un peu plus d'un mois et demi pour clôturer cette saison sur terre battue. Et puis chez les dames, là aussi on était à Miami pour là aussi ce tournoi, c'est du côté des filles, c'est Collins l'américaine qui s'est imposée à domicile, donc en deux manches là aussi 7-5-6-3, et elle s'impose donc dans ce tournoi. Voilà le point en tennis. Et puis un mot en rugby où ça ne bouge pas, au top 14 on a toujours Eh bien, la même chose hein, sur le classement où on retrouve toujours le Stade Français leader. Donc pour l'instant, assez confortable, 63 points. Toulouse est deuxième, 60 points. Puis après, il y a vraiment un fossé avec le Racing, Toulon ou encore La Rochelle qui sont sur les 5 premières places. Et Bordeaux-Bègles qui clôture pour l'instant les places en play-off. Mais il restera encore des possibilités pour essayer de grappiller des places pour les autres. Et aller s'inviter dans ces play-offs. Il restera encore... Eh bien, 6 journées, donc voilà, tout est encore possible pour les autres et essayer d'aller récupérer ses places. Voilà pour cette première partie de l'émission, donc ce petit flash score. Je vous rappelle les directs, donc ça va partir dans quelques secondes entre Ajaccio et Auxerre en Ligue 2, entre l'Inter Milan. Empoli, c'est en Italie, évidemment, et puis en Espagne, dans un quart d'heure maintenant, Villarreal, Atlético Madrid, voilà les matchs que l'on va suivre. Ce soir, on va marquer une petite pause et on va revenir juste après, donc 20h45, on est dans les temps et on va revenir juste dans la foulée pour tout balayer football. Donc il y a pas mal de choses, évidemment il n'y a pas de Coupe d'Europe, on va gagner un peu de temps ce soir. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses avec notamment la Ligue 1, la Ligue 2 et puis tout ce qui s'est passé en Europe. On va revenir sur ce City Arsenal hein, qui a été un peu décevant hier et on verra aussi sur ce Marseille Paris évidemment. C'est juste après que on se retrouve pour la deuxième partie après ça et on se retrouve dans 3 minutes 30 à tout de suite. Purple Disco Machine, Bad Company à l'instant pour cette première pause. Et maintenant c'est parti, tout droit pour jusqu'à 22h pour le football. Donc on va revenir sur cette journée un peu partout en Europe. On va revenir aussi après bien sûr ce qui s'est passé en Ligue 1 sur cette journée. Et puis on terminera avec le Loto Foot comme d'habitude, les pronostics, vous en avez l'habitude. Et en tout cas on va démarrer tout de suite avec et puis les directs aussi bien sûr qu'on n'oublie pas, c'est parti, on essaie d'être sur tous les fronts avec la Ligue 2, avec l'Italie et un peu plus tard après dans 10 minutes là, en Espagne aussi, où on va suivre le leader en Ligue 2, l'OCR, le leader en Italie, l'Inter, et puis l'Atletico notamment qui peut aspirer peut-être après cette rencontre de revenir quatrième. En cas de succès, ce sera donc dans 10 minutes face à Villarreal. Sachant qu'en plus Bilbao du coup a perdu ce week-end, on va en parler tout à l'heure, mais face au Real, donc c'est vrai que ce serait une bonne opération pour l'Atlético de gagner ce soir. Exactement, et d'aller chercher la place pour la Ligue des Champions. Ouais, exactement. Commençons avec l'Allemagne. Donc c'était cette journée en Bundesliga, la 27e journée. On parlera, on va dans un instant du Bayern Dortmund qui était aussi le match attendu, mais ça a démarré avec le Bayer Leverkusen qui est toujours invaincu et qui a en plus gagné, mais encore une fois ça a été compliqué, mais on a l'impression que cette année en fait il peut rien arriver au Bayern, et il y a toujours à chaque fois quelque chose qui se passe et ils gagnent ou en tout cas ils perdent pas. Ah bah, de toute façon, pour l'instant, il peut rien leur arriver, t'as raison. Là, depuis le tout début de saison, enchaîné combien maintenant? 37 matchs, un truc comme ça, je crois. Toutes compétitions confondues. Sans défaite, c'est juste exceptionnel. Et puis voilà, c'est le gros travail, comme on l'a déjà souligné, quasiment toutes les semaines ici, de toute manière, le gros travail de Xabi Alonso, et puis forcément des joueurs, bien évidemment. Je pense à Wirtz, par exemple, qui d'ailleurs nous a fait mal contre la France et avec l'Allemagne. Patrick Schick qui marque encore, il est dans une bonne forme en ce moment. Ouais. On pensait ce week-end justement que Schick marquait plus que ça, parce que là dernièrement on l'a pas mal vu marquer. Au final c'était que son cinquième but en championnat. Ouais. Après c'est vrai qu'il a pas mal marqué en Ligue Europa. Ouais, il y avait de ça aussi. Mais ouais, on le voit beaucoup. Il est très. C'est un peu de temps finalement qu'il marque assez régulièrement, mais c'est souvent des buts importants. Et là encore, même si match nul ne aurait pas été une catastrophe. Mais là encore, c'est un but qui permet Bayern de prendre, on le verra, 13 points d'avance sur le Bayern. Ben surtout avec le résultat, on va en parler encore une fois dans quelques secondes, mais avec le résultat négatif du Bayern. Donc forcément, les Leverkusen, de toute façon, là, ils ont quand même 4-5 cartouches faciles, enfin 4-5 jokers jusqu'à la fin de la saison. Puis je pense pas qu'ils vont s'écrouler non plus maintenant à ce moment-là. Et c'est quasiment même impossible maintenant. On voit qu'ils ont une très grosse équipe, hein, Leverkusen, la défense, Tapsobata et Incapié, c'est très solide, les latéraux, Grimaldo, Frimpong, c'est très solide, mais donc je pense que cet été il y a moyen que Leverkusen soit un peu pillé par les grandes d'Europe. Après avoir si, enfin, ils vont, je pense, essayer de garder un petit peu tout leur crack du coup pour la Ligue des Champions l'année prochaine, et même Xabi Alonso qui je crois a annoncé il y a pas longtemps que il devrait rester. Oui, a priori, oui. Ce qui était notamment sur les tablettes de Liverpool, forcément, avec le départ futur de Klopp. Donc Liverpool, il y a eu quelques bruits de couloir donc sur Xabi Alonso et puis peut-être sur Frank Heise, je crois que je l'avais dit aussi la semaine dernière, un truc comme ça, le coach de Lens. On verra bien ça, mais Leverkusen qui nous impressionne toujours, mais c'est presque une formalité maintenant, c'est presque normal chaque semaine de les voir gagner. Encore une fois, en toute fin de match, qui sont revenus au score, qu'ils ont égalisé et qu'ils ont pris ces trois points-là, la 90 plus 1. 88e, hein, c'est ça l'égalisation Andrić, ouais. Ouais. Donc, c'est comme on avait vu déjà en Europa League. À chaque fois contre Karabakh, hein, c'était, je crois. À l'aller, ouais. Et au retour aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, on sent aussi une certaine force pour rebondir, pour revenir, donc un certain caractère, un certain mental. Ouais. Mais ça prouve aussi qu'ils peuvent aussi subir dans un match, mais ils savent toujours revenir. Alors, est-ce que il y a forcément un gros caractère derrière, un gros mental, mais il y a quelques petits trucs, on voit les stats là, possession 68% quand même pour eux, un nombre d'occasions 34 tirs à 6 quand même, ouais, c'est énorme, c'est gigantesque, hein. Mais on se cadrait, c'est pas ridicule, c'est très bien. On se cadrait sur 34 tirs, c'est quand même pas énorme non plus. C'est pas énorme, mais On a vu des stats pires que ça, des fois sur 30 tirs, et il n'y en a que 5 de cadré. Oui, c'est vrai, mais même en réalité, 2 buts en 34 tirs, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Honnêtement. C'est pas énorme. C'est peut-être un petit manque de réalisme aussi. Après, bon, le principal, là, il y a eu un poteau aussi pour eux. Mais bon, c'est quand même une grosse domination aussi, voilà, de leur part, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a encore peut-être des fois ce petit manque de réalisme, même en Europa League, c'est pour ça aussi qu'il revenait au score tardivement, mais ce petit manque de réalisme qu'ils peuvent avoir de temps en temps, mais en tout cas ça reste une équipe exceptionnelle cette saison, et qui bah, là, va tout droit, ils ont 9 orteils et demi sur le trophée, ouais. Là, c'est sûr. Notamment grâce aussi à la défaite du Bayern un peu plus tard dans la journée de samedi face à Dortmund. 2-0, voilà, défaite. Et c'était d'ailleurs pas arrivé depuis 2014, hein, que la victoire de Dortmund face à, enfin, au Bayern, hein, à Munich. Ouais. Voilà. Et donc, bah, en tout cas, bah, cette défaite précipite peut-être un peu plus encore la chute du Bayern, en tout cas, de son titre, hein, qui devrait a priori perdre le titre. Ouais. Bah, c'est ce qu'on disait. De toute façon, là, ça y est, hein, Leverkusen, je pense que c'est fait officiellement, quasiment. Après, c'est peut-être aussi pas une bonne chose, mais on va dire un mal pour un bien. Le Bayern va pouvoir peut-être du coup bien se focus bien travailler sur la Coupe d'Europe déjà, sur la Champions League, et peut-être lâcher comme s'ils avaient mis un peu, j'allais dire lâcher du lest en championnat, même si ils sont pas exceptionnels cette saison. Après voilà, mais je pense qu'il va pouvoir faire tourner Thomas Tuchel, mine de rien, peut-être plus en championnat du coup, comme le titre là c'est quasiment plié. Ouais. Après voilà, pas non plus peut-être descendre, peut-être pas trop descendre au classement, donc quand même jouer en championnat bien sûr, mais je pense qu'il va pouvoir vraiment se focus sur la Coupe d'Europe, et pourquoi pas du coup aller chercher ce trophée, mine de rien, même si le Bayern est, du coup on le voit par rapport au championnat aussi, n'est pas du tout pour moi en tout cas favori. Oui non. Mais du coup ils peuvent se focus quand même là-dessus. Bayern, c'est contre qui en quart de finale? Arsenal, oui. C'est un gros morceau quand même. Mais voilà, ouais, Bayern 13 points maintenant, et puis Dortmund, en tout cas, qu'on en parle aussi, c'est une bonne opération évidemment pour la course à la Ligue des Champions, parce que Leipzig, je sais pas, l'an dernier, 50 points. Oui, c'est ça. Attention quand même de pas trop perdre de points, parce que Stuttgart, bon après, voilà, les 4 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Après, Dortmund est sur une très bonne série, hein, quand même. Dortmund est sur une belle série, c'est ça. Et ils sont plus très loin maintenant de Stuttgart, hein. Stuttgart qui a perdu des points, qui a perdu 2 points. Ouais, après un match assez fou face à Heidenheim, 3 partout. Et du coup, bah, reste 3ème, hein, perd 2 petits points, mais voilà, il a toujours 7 points d'avance sur Leipzig, je te disais, qui est 5ème. Et qui est le premier hors Ligue des Champions. Mais en tout cas, voilà, ils ont encore une petite avance. Et puis Dortmund, bah voilà, 53 points. On peut aussi espérer revenir sur le podium. Et surtout, bah, ne pas voir Leipzig revenir, hein, qui est de son côté. Là aussi, elle a perdu 2 points importants, justement, face à Mayence. Et du coup, bah voilà, ils pourraient être à 1 point de Dortmund, bah, ils seront encore à 3 points. Et ça pourra jouer sur la fin. Et puis après, bah d'ailleurs, on l'avait déjà dit depuis un petit peu, et ça a vraiment tourné sur ce week-end, puisque maintenant il y a 9 points de retard sur Francfort, qui est 6ème, donc voilà, les 5 premiers a priori sont quand même bien installés. Et voilà, après 6ème, 7ème, il y a encore un peu d'espoir pour Augsbourg ou encore Fribourg d'aller chercher cette 6ème place. Mais voilà. Mais ouais, dans tous les cas, il y aura un malheureux entre la deuxième et la cinquième place, forcément. Ouais. En tout cas pour la Ligue des Champions. Après, il y aura l'Europa League, évidemment. Mais voilà. Et puis, je voulais aussi souligner juste le gros match, la grosse performance du patron, mine de rien, de Dortmund, Mats Hummels, ce bon vieux Hummels. Toujours là. Qui est toujours là et qui a fait un match de patron là pour le classiqueur. Le classico avec l'accent. Mais voilà. En tout cas, très belle performance de Dortmund. Encore une contre-performance pour le Bayern. Voilà, il va falloir aussi remettre un petit peu les pendules à l'heure pour encore une fois avoir de la confiance avant le choc contre Arsenal la semaine prochaine quand même. Donc je sais pas contre qui joue ce week-end, du coup tu me mettras on va regarder ça tout de suite, les rencontres devant les yeux. Bah, on va regarder tout de suite le classement juste avant. Donc on disait, donc 13 points d'avance pour Leverkusen, 73 points, 60 pour Munich, 57 pour Stuttgart, 53 pour Dortmund, 50 pour Leipzig, et après il y a ce fossé avec Francfort, 41. Et en bas, rien n'est joué, mais enfin Darmstadt a quand même 6 points de retard, hein, sur le barragiste qui est Mayence, 20 points, et puis Cologne à 19 points. Bochum avec 26 points est quand même un peu à l'abri de... C'est des barrages aussi en Allemagne? Pour le 16e, ouais. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, la journée, donc la 28e journée, ce sera samedi dimanche, ce week-end. Un gros match, hein, dans la course à la Ligue des Champions. Et ouais. Dortmund contre Stuttgart. Ouais, ça va être intéressant. Et après, il n'y a pas de gros choc en haut. Non, c'est le seul match des 5 premiers. Après, ça semble un peu plus abordable pour Leverkusen qui va à Berlin, notamment, qui est 12e. Donc voilà, ce sera normalement à la portée de Leverkusen. Et Leipzig ira à Fribourg. Voilà, il y a peut-être ce match-là aussi, parce que si Fribourg peut essayer de grappiller quelques points, on le disait à l'instant, et essayer d'être 6e. En tout cas, il y aura cette rencontre aussi. Donc pour cette 28e journée en Bundesliga, on va filer en Italie. Alors que cette semaine, ce sera les demi-finales en Coupe d'Allemagne, avec notamment peut-être la première défaite du Bayern. Sait-on jamais. Peut-être. Face à, alors c'est Düsseldorf, hein, donc c'est pas non plus voilà, Düsseldorf qui est en deuxième division. Donc normalement, ça serait. Normalement, c'est une formalité. Voilà. Après. C'est comme partout, les matchs de coupe, c'est toujours quand même différent, c'est pas la même ambiance, c'est pas ça. Forcément la même motivation, du coup, pour les petits poussés, enfin, pour les plus petites équipes, ouais. On va dire. En tout cas, ouais, voilà, Leverkusen qui devrait le faire, en tout cas, et qui pourrait aller chercher peut-être son premier titre, déjà, avec cette coupe d'Allemagne. C'est ça. Donc, ça sera à domicile pour Leverkusen, donc mercredi à 20h45, et puis la veille, mardi demain, il y aura Sarrebruck face à Kaiserslautern. Donc là aussi, deux équipes de, en fait il y a que Leverkusen qui fait partie de l'élite, et sinon après on a trois équipes de deuxième division. Donc demain et mercredi, donc c'est demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Ouais, ils ont quand même un petit peu le champ libre, hein, du coup, pour aller chercher ce trophée, hein. C'est ça, c'est qu'il reste plus, enfin il y a pas de gros adversaires pour aller chercher ce premier titre. L'Italie avec en direct, hein, l'Inter qui a déjà ouvert le score, hein, ça y est, face à Empoli, après 6 minutes seulement, c'est Di Marco qui a ouvert le score. Voilà, donc qui ouvre le score pour l'Inter, là aussi on le verra, mais qui est largement en tout cas en tête, hein. Très largement, oui. Donc voilà, il y avait pas de match hier en Italie, on a préféré jouer samedi et aujourd'hui. Voilà, on a été au repos hier, donc il y a eu des matchs samedi avec notamment, il y avait ce match entre le Napoli et Bergame, avec la victoire de Bergame 3-0. Voilà, donc qui était un match en jeu, hein, pour Napoli, qui avait l'occasion, en cas de victoire, de passer devant tout simplement Bergame. Et bah là, c'est l'inverse qui s'est produit, donc Bergame qui est 3-0 et qui du coup distance Naples de 5 points. En plus, avec la manière, hein, 3-0, voilà, ça a été vraiment une m'a mis sur cette rencontre pour Bergame. Et bah voilà, maintenant. Après, on voit que le score peut être un peu sévère aussi. Ça a été un match globalement, on va dire, assez équilibré. Mais l'Atalanta a été beaucoup plus réaliste ouais. et a su marquer quand il fallait. Puis ça donne quand même, ouais, ce score du coup lourd pour en faveur de l'Atalanta contre Naples. Mais oui, ça reflète pas non plus à 100% la physionomie de ce match. Mais en tout cas, c'est l'Atalanta, oui, comme tu le disais, au classement, qui fait l'énorme opération. Donc qui sont 6e avec 50 points et qui. Bon, ça devrait être compliqué, mais pourquoi pas encore aller essayer de chercher la Ligue des Champions à la 4e place, hein, si Bologne a peut-être fait une mauvaise fin de saison. C'est possible. C'est possible. On avait nouvelle défaite, tiens, de la Juve, on en parle assez régulièrement. La série continue, la mauvaise série de la Juve continue, avec une défaite sur le fil, hein, face à la Lazio. Mais voilà, 93e et défaite de la Juve. Qui n'a plus gagné depuis un mois et qui descend encore au. Alors bon, voilà, ils sont encore troisième, il y a encore maintenant 7 points d'avance sur la Roma qui est 5e. Mais attention, parce que. Attention, mais on le dit à chaque fois, chaque semaine, on se répète en fait, mais cette Juve-là perd des points très souvent. Assez bêtement entre guillemets, et puis assez facilement du coup. Mais cette Juve-là, c'est pas la première fois, c'est quasiment un week-end sur deux où ça perd des points un petit peu, ouais, comme ça, en toute fin de match, où ils sont à chaque fois vers la victoire et puis hop, ils sont égalisés. La Juve, ça perd beaucoup de points un petit peu comme ça à droite à gauche, et là ils sont sur une mauvaise série quand même en championnat. Déjà c'est 4 matchs sans victoire là. Ouais, c'est ça. Ils sont sur cette série-là, 2 défaites et 2 nuls. Donc ouais, attention à la Juve aussi, non plus de pas trop se casser la figure. Et voilà, surtout ouais. Puis même si Bologne, pourquoi pas, repasse devant à la 3e place. Et puis aussi victoire donc de cette Lazio pour la première d'Igor Tudor. Oui, c'est ça. Et ça permet à Lazio de revenir à 4 points de la 6e place. Donc tout est possible encore pour la Lazio, hein. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Pas tout. Avec des champions, là, je pense que c'est non, mais marrant, non, mais tout est possible, enfin, en tout cas pour se qualifier, ouais, pour une Coupe d'Europe. Voilà, et pourquoi pas l'Europa League qui n'est pas si loin qui est non plus. Pas inatteignable. Il y a quand même 6 points d'écart entre la Lazio et puis ben, ça... Enfin, la Roma, l'autre club de la ville. Donc ouais, mais la Roma qui est pareil depuis le départ de Mourinho, on l'a déjà dit ici, qui est sur une très bonne dynamique aussi. Donc attention, tout encore possible ouais, pour la Lazio, mais les concurrents de devant sont assez bons en ce moment. Et puis le Milan pour samedi qui a été gagné à la Fiorentina 2-1 et ça permet donc tout simplement à l'AC Milan de rester confortablement à cette deuxième place maintenant après cette défaite de la Juve. Milan maintenant possède 6 points d'avance sur après l'Inter, voilà, on n'en parle plus pour le titre a priori, mais pour sa deuxième place, ils sont bien installés et maintenant c'est fait, hein, la Ligue des Champions elle est acquise, hein, pour le Milan. A priori ça bougera plus, hein. Non, ça ne bougera plus, puis Milan reste quand même une équipe assez stable, je trouve, autant dans ses résultats que dans la manière. Petite victoire 2-1 à la FIO, et puis voilà, ouais, ils sont forcément extrêmement loin, on va dire, ils sont extrêmement loin de l'Inter devant, et puis ouais, ils sont assez bien installés à leur deuxième place. Le troisième est pareil, assez loin, donc voilà, Milan c'est quasiment fait comme tu dis, et puis c'est une équipe qui remporte une victoire méritée en plus dans ce match là quand même. Ils auraient pu marquer plus de buts aussi, Milan, mais voilà, c'est... Et puis à noter un Meignan qui a été assez décisif aussi sur la rencontre, auteur de pas mal de parades, donc ça permet de stabiliser ce score et cette victoire donc 2-1. Et puis donc je disais, aujourd'hui tous les autres matchs avaient lieu aujourd'hui, hein, les 5 autres matchs avec pas mal de nuls, hein, Sassuolo Udinese, Cagliari Vérone ou Lecce à Roma, et puis il y avait seulement la victoire de Bologne face à Salernitana, c'était en début d'après-midi, et puis l'Inter en direct, donc la Roma évidemment qui stagne aussi, qui fait un peu du surplace après ce match nul 0-0 et qui reste cinquième, et si on le disait, hein, Bergame qui est qu'à 2 points, donc ça n'a pas encore évolué. Donc l'Inter pour l'instant à 76 points sans ce match là en direct, hein, il y a toujours 1-0 d'ailleurs. Le Milan a 65 points, surtout on a la Juve 59 points, Bologne 57, la Roma 52 points, le Bergame 50, la Lazio 46 et le Napoli à la 8ème place 45 points. Et en bas, Salernitana, ça y est, ça semble terminer, et 11 points de retard, hein, maintenant pour sortir de la zone rouge, 14 points, Sassuolo 24 points, Frosinone 25, Empoli 25. Donc voilà, pour les autres places, rien n'est joué, et ça peut encore se évoluer. C'est semaine de coupe aussi, puisque en Italie, puisqu'on aura les demi-finales aller, puisque voilà, on joue les demi-finales en aller-retour en Italie. Des belles petites affiches. Hein. Ouais, il y a vraiment des belles affiches avec demain. On avait dit tout à l'heure, il y aura de l'Allemagne, il y aura aussi l'Italie avec Juventus Turin, Lazio de Rome. Voilà, peut-être pour la Juve, ce sera l'occasion de sauver sa saison, hein, cette coupe, puisqu'il n'y a plus que deux matchs, enfin en tout cas deux tours à faire. Pour la Lazio, c'est pareil, hein, Lazio, on l'a dit, hein, qui est seulement septième, qui peut encore se qualifier pour une Coupe de Rome, mais c'est rien n'est fait. Mais pour la Lazio, ça peut être vraiment l'opportunité numéro un de se qualifier pour la Coupe de Rome grâce à la coupe. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça que cette confrontation-là va être intéressante. Parce que les deux, mine de rien, aller au bout, ce serait très important, très intéressant pour eux. C'est ça. Et puis, donc ça sera demain. Et puis, mercredi, on aura Fiorentina face à Bergame. Donc voilà, pour Bergame, là aussi, hein, ils sont que sixième. Donc pourquoi pas pour eux aller gagner cette coupe. Et puis, la Fiorentina, qui est seulement dixième. Et pour eux, c'est une vraie opportunité aussi, la Fiorentina, d'aller chercher non seulement le trophée mais aussi la qualification sur une Coupe d'Europe. Donc demain et mercredi, et puis il y aura les matchs retour qui auront lieu fin du mois, 23 et 24 avril, pour les retours. Voilà le point en Italie. On revient maintenant en Espagne. L'Espagne avec cette 26e journée. Non, c'était pas la 26e, c'était la 28e, pardon, 28e journée. Du côté de cette Espagne, de cette Liga, avec notamment vendredi d'abord la victoire de Cadix, c'était pour ouvrir la journée face à Grenade, et puis surtout samedi la victoire du Barça face à Las Palmas 1-0, victoire, petite courte victoire, mais victoire importante pour le Barça, pour sécuriser cette deuxième place toujours, hein, toujours installée, hein. On en parlera, mais priori, ça devrait se préciser pour eux. Notez que Las Palmas, le Barça qui a été bien aidé hein, par Las Palmas, qui a été réduit à 10 assez vite hein, après 24 minutes de jeu. Ça a pas mal aidé aussi pour la suite. Et puis le but, il arrive qu'à la 59e, c'est Rafinha qui marque ce but et qui permet au Barça de s'imposer. Mais voilà, le Barça qui a pas été rassurant quand même hein, à quelques maintenant un peu plus de 10 jours du match à Paris, hein, dont on reparlera bien sûr la semaine prochaine. Ben ouais, après c'est pareil, c'est comme on le dit beaucoup, le Barça cette année c'est pas non plus l'assurance tout risque, dans le sens où ouais, on sait pas trop ce que ça vaut. C'est pour ça que on l'a dit quand même, c'était un bon tirage en soi pour le PSG de prendre ce Barça là. Donc ouais, on en parlera tout à l'heure, mais on a le PSG qui s'est rassuré ce week-end et qui a plutôt fait quand même un bon match dans l'ensemble contre l'OM, et puis ce Barça là ouais qui gagne un petit peu sur le fil comme tu l'as dit, et qui sont pas non plus flamboyants dans le jeu. Il y a des absents encore une fois aussi, De Jong, etc., Pedri, donc des éléments clés aussi dans l'entrejeu catalan, et voilà, et ça se voit sur le terrain. Et puis même des mecs comme Lewandowski qui normalement sont des valeurs sûres à 100%, c'est vrai que depuis son arrivée au Barça et notamment cette saison là, c'est pas régulier, mais c'est pas très régulier, c'est un petit peu en dents de scie, et c'est pas le Lewandowski qu'on avait au Bayern ou même à Dortmund encore avant. Mais bon, il prend de l'âge aussi hein, le garçon, mais c'est plus non plus le Lewandowski aussi tueur qu'on a pu le connaître, donc ce qui fait que ouais, ce Barça là des fois il est un petit peu bancal, et que il est donc peut-être et même sûrement prenable pour le PSG en Ligue des Champions. Gérone tiens, qui a joué hier, victoire 3-2 face au Betis Séville. Voilà pour Gérone aussi, l'important de conserver toujours cette dizaine de points d'avance sur la suite du classement, donc chose faite pour Gérone avec cette victoire 3-2. Voilà, ça s'est joué sur la dernière et action aussi ce but donc de Gérone, ce troisième but. Ça permet donc à Gérone de rester toujours installé hein, sur ce podium pour le Betis Séville. Par contre, septième place, ça stagne et ça se complique un peu pour aller chercher l'Europe sur la suite de la saison. C'est quatrième défaite de suite pour le Betis Séville, hein, qui était toujours en possibilité d'aller chercher la Coupe d'Europe. Et là, ça s'éloigne de plus en plus. Ah, c'est très compliqué, là. Ouais, là, ça va être bien compliqué. Il y a quand même un petit fossé, même avec la Real Sociedad qui est juste devant. Il y a combien? Il y a 7 points d'écart. C'est pas compliqué, mal. Ouais. Hein. C'est pas mal. Et donc, Gérone installé toujours à la troisième place. Et puis, enfin, hier, c'est le Real qui recevait le Bilbao. L'Athletic Bilbao avec une victoire 2-0 et un doublé de Rodrigo. Et le Real toujours en rythme avant la Ligue des Champions, donc la semaine prochaine. Et le Real qui conserve cette avance de 8 points. Donc pareil pour le Real, c'est un peu joué aussi hein, dans le championnat pour le titre en tout cas. Ah bah oui, puis comme je le dis, le Barça qui est pas très régulier non plus, en tout cas surtout dans ses performances, pas forcément dans les résultats, mais je parle bien en performance sportive. Puis le Real c'est quand même la valeur sûre aussi, mais normalement ils ont des défauts aussi, mais c'est quasiment fait, c'est pas le même écart, c'est pas le même fossé que Leverkusen en Allemagne, mais le Real c'est pareil, ils ont 9 orteils et demi sur cette Liga, donc non, il y aura moins énorme surprise et énorme retournement de situation. Le Real sera champion cette saison. Le classement, donc on le disait, le Real 75 points, le Barça 67 points, Gérone à 65 points, l'Athletic Bilbao 4e 56 points. En attendant le match de l'Atletico en direct, hein, toujours, ça vient de démarrer, hein, il y a maintenant un peu plus de 10 minutes, donc 9 minutes maintenant. Et c'est l'Atletico qui a ouvert le score, on en parle à l'instant, c'est Witsel. Donc qui ouvre le score donc pour l'Atlético, qui pour le moment serait égalité avec Bilbao. Ouais, ça s'est pas actualisé encore. Non, ça c'était au moment du nul. Donc là pour l'instant, l'Atlético repasse devant. Ouais, qui aurait 2 points d'avance sur Bilbao et serait à nouveau en capacité de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc il faudrait maintenir le rythme pour l'Atlético donc face à Villarreal, donc pour l'instant 1-0. Le reste du classement après Bilbao Madrid, on a la Real Sociedad 49 points, Betis 42 à la 7e place. En bas, Almeria donc 13 points, Grenade 14 points et ensuite c'est Cadiz 25 points. Donc a priori, Ah, on va pas trop s'avancer, mais pour Cadix et Grenade, ça va être ça pue. Ça pue clairement. Et puis Cadix, bah là, 3 points de retard sur Vigo qui est 17e, et puis 5 sur Vallecano qui est 16e. Donc voilà, il y a encore des possibilités pour Cadix de se maintenir. Et là, il y a pas de barrage, c'est directement les 3 descendent. Il y a pas de barrage en Espagne. Voilà, donc on suit toujours hein, Villarreal évidemment et Griezmann qui est bien titulaire en côté de Depay hein, à l'attaque madrilène pour cette rencontre. Voilà pour l'Espagne. On va tiens aussi on va revenir sur les matchs de la semaine prochaine. Puis on l'a pas fait en Italie, pas bien. C'est vrai. J'ai pas pensé. Pas bien. On va regarder tout de suite revenir sur l'Italie assez rapidement. Qu'est-ce qu'on aura d'intéressant? La Roma, le derby de Rome. Ah bah le derby de Rome, ouais. Ouais, AS Roma Lazio. Et puis là le Juve Fiorentina, pourquoi pas, mais après c'est il y a pas de grosse affiche à part peut-être ce derby donc de Rome. Et puis en Espagne pour la suite de la saison, on aura quoi? Et ben on aura des matchs Atlético Gironne. Ah ouais, c'est sympa. Ça c'est très sympa. Ce sera le 14 hein. Là il y aura pas de journée la semaine prochaine hein. Il y a pas de coupe. Il y a pas de si c'est certainement la coupe mais on est déjà sur la finale donc samedi. Ah bah oui, donc il y a pas de journée du tout. D'accord. C'est pas comme en France où on joue la finale avec plus la Ligue 1, là on coupe tout. C'est un peu l'événement du week-end. Après c'est pas plus mal forcément, en plus ça donne aussi un peu de repos pour les autres. Oui, après, mais, ça fait pas de retard quoi, il y a pas de match de retard. Voilà, il y a pas un report de match, ouais, voilà. Donc Bilbao Majorque, c'est l'affiche de la finale samedi soir à 22h. Pas l'affiche du siècle non plus. Enfin, mais ça fait plusieurs saisons hein, que malheureusement c'est Tiens ouais, oh, mais moi le palmarès vite fait de si tu peux de la Coupe d'Espagne. Sur les dernières années c'est Ouais, Real quand même. Real l'an dernier. Barça à 2 ans. Bon ça va, non. T'as dit n'importe quoi en fait. Il y a jamais de grosse affiche. Non, de grosse affiche, ouais. Il y a entre les deux, je veux dire. Là, tu vois, Real Osasuna, bon. Ouais. Barça, Athletic Bilbao, c'est pas non plus. Voilà, c'est. Là, il y a 2 ans, Betis, Valence. En 2020, Real Sociedad Bilbao, c'est pas des grosses affiches, quoi. Non, c'est vrai. Il y a. Enfin, le Barça, ils ont quand même. Ils en ont enchaîné. Atlético, n'importe quoi. Il y a eu le Classico en finale en 2014, Real Barça. Voilà, remporté tu vois. Par le Real, ouais. Depuis. Et puis avant, il y avait eu en 2013, Atlético Real. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que depuis 10 ans, il n'y a pas des grosses finales. Bah après, c'était aussi 2013, 14, même un peu avant, c'était aussi l'époque du grand Barça. Ouais. Le Barça, depuis quelques mois, même s'ils l'ont gagné il y a 2 ans ou 3 ans, en 2021, voilà. C'était pas non plus le grand Barça et tout ça. Donc voilà, sinon le 14 avril, il y aura Atlético Gironne, voilà, sinon qui aura lieu. Mais ce sera donc dans 15 jours. Cette 31e journée. Et on va en Angleterre pour finir. Et après, bien sûr, on viendra en France avec du côté de l'Angleterre la 31e journée. Donc avec, on en parlera donc ce City Arsenal qui avait lieu hier. Mais sinon, on va commencer avec t'as Tottenham face à Luton. Pour Tottenham, là aussi, c'est important puisque la Ligue des Champions est toujours en vue avec Aston Villa qui est toujours devant. Mais voilà, il était important de s'imposer. C'est fait donc pour Tottenham avec cette victoire 2-1 face à Luton et ça permet encore de croire toujours à cette Ligue des Champions. Tottenham qui a vraiment envie de récupérer cette place là. Ils ont fait une première mi-temps un petit peu timorée on va dire, où Luton du coup a ouvert le score en tout début de match hein, à la troisième minute. Donc Luton gagnait menait au score à la pause et puis Tottenham a un petit peu tout donné dès le retour des vestiaires. Et ce qui fait qu'il y a eu un CSC à la 51e, donc égalisation pour Tottenham, et puis en fin de match un but de Son. Malgré Luton Tottenham ils étaient partis à l'abordage pendant quasiment toute la deuxième période, et puis Luton a craqué en fin de match hein, forcément ça reste le promu et qui va peut-être redescendre, on fera un point classement après, mais Tottenham en tout cas ouais, victoire très importante évidemment, je l'ai dit, dans la course à la Ligue des Champions avec Aston Villa qui n'est plus qu'à 3 points maintenant au-dessus de Tottenham. Ouais, parce que Aston Villa suit aussi la cadence hein, qui a gagné après 2 mauvais résultats. Il y avait une défaite et un nul. Et là, ils sont repartis avec une victoire donc 2-0 face à Wolverhampton. Donc, on en parlera aussi de cette Aston Villa, puisque ce sera le prochain adversaire de Lille. On en parlera la semaine prochaine, évidemment, puisque ce sera la semaine européenne. Mais en tout cas, voilà, ça suit le rythme en haut. Et, Sûrement le pire tirage hein, pour Lille, hein, Aston Villa, ouais. On l'avait dit. C'est très un gros morceau. Très clairement, ouais. Et donc, pour Tottenham, bah, il faudra s'accrocher, puisque derrière, United ne reviendra plus, hein, normalement. Hein. Ça me semble assez compliqué avec 8 points de retard. Ouais, sûrement. Mais il va falloir se battre face à Aston Villa pour. Donc aller chercher cette place là. United justement n'a pas c'est pas donné toutes les chances de pouvoir revenir en faisant ce match nul face à Brentford. Alors il fallait pas partir avant du stade puisque ça s'est joué en plus temps additionnel, ouais. 96 et 99. Donc voilà, c'est Mount d'abord qui a pensé à donner la victoire à United et il fallait vraiment être là jusqu'au bout puisque à la 99e égalisation, alors qu'il y avait, il y a eu beaucoup de temps additionnel. Il y a eu 9 de prévu et puis il y en a eu 13 de joués. Hein. Du coup, forcément, 14, avec le but de Mount à la 90+6, ça a dû rajouter, il a dû rajouter un petit peu de temps. Et puis, souvent en fin de match, voilà, il y a des cartons, il y a des petites fautes, donc forcément. United, ça me fait un petit peu penser à la Juve en Italie. C'est une équipe ça fait des années qu'on le sait que United, c'est plus non plus, voilà, pareil, le grand United des années 90-2000, voire début années 2010. Et c'est vrai que c'est compliqué, ils perdent beaucoup de points. Pareil sur des matchs comme ça où voilà ils vont essayer de chercher, enfin ils sont tout le long d'une rencontre ils sont un peu menés ou tout ça et là ils pensent avoir la victoire en toute fin de match et puis voilà un petit relâchement après ce but là et puis Brentford en a profité donc dans les tout derniers instants de ce match et ce qui fait que United maintenant c'est compliqué pour eux cette cinquième place et bon la quatrième place on n'y pense même pas non. Mais United qui a pu jouer grand chose maintenant on le disait qui va devoir s'accrocher à la coupe on en parlera aussi après un partout pour United. Liverpool aussi c'était hier qui recevait Brighton et qui avait l'occasion évidemment avant le choc entre City et Arsenal de passer déjà premier et d'attendre sagement l'autre match. Liverpool qui a pas démarré du mieux possible parce qu'ils ont pris un but tout de suite dès la deuxième minute avec Welbeck qui est c'est encore là lui qui est là à Brighton mais qui est toujours là ça avait pas bien démarré mais pour Liverpool finalement ça se termine bien et c'était primordial évidemment de gagner avant le choc. Liverpool a eu un peu de mal à se mettre dans le match, mais ils ont fait le taf ensuite. Et puis, comme tu l'as dit au classement, évidemment, c'est la très grosse opération pour eux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que il y a eu aucun vainqueur entre City et Arsenal. C'était le meilleur scénario. Donc c'est le meilleur scénario pour Liverpool. Donc c'est très bien maintenant pour eux et on va peut-être enchaîner parce que j'ai pas grand chose à dire de plus sur Liverpool finalement sur City Arsenal on a pas grand chose à dire, ouais, c'était assez terne hein, comme match hein. Voilà, on s'est un peu ennuyé malheureusement on pensait voir un spectacle comme on a l'habitude hein, sur ces grands matchs et non en fait il y a très peu Arsenal a vraiment verrouillé on va dire en défense et il y a eu encore un grand match de Saliba quand même aussi parce que évidemment c'était quand même City qui avait la possession de balle et tout ça et Arteta elle a vraiment voulu verrouiller tout ça et ça a bien fonctionné d'ailleurs hein, ça a été très bien fait par Arsenal mais ce qui fait que pour nous téléspectateurs ou même pour les supporters du coup présents au stade c'était un match un petit peu pas top quoi. 3 tirs cadrés dans le match hein. Ouais c'est pas énorme même en tir il y a eu que 18 tirs donc forcément mais 3 tirs cadrés il y a pire des fois quand même oui mais sur un match comme ça on s'attend vraiment à voir au moins ça manquait de justesse sur certains gestes aussi je veux dire c'était un peu brouillon j'ai des souvenirs on essayait de chercher Haaland mais au final sur beaucoup de centres j'ai plusieurs flashs et à chaque fois c'était un petit peu trop haut pour lui ou c'était un peu trop long il y a eu plein de petits manques techniquement des billards ça ressemble un peu à la Ligue 1 de des fois ouais Julien Cazard quand il faisait plus 1 à l'époque qui faisait bim bam c'était de la gueule du niveau de la Ligue 1 tout ça faisait un peu ça des fois c'était assez étrange quand on sur le papier, quand on voit City Arsenal et surtout dans le scénario là qu'on a cette saison, on s'est dit waouh, ok, là on va avoir un vrai match de foot. Enfin, c'est un vrai match de foot en soi, mais ça n'a pas été très ouvert, ça c'est sûr. C'était pas le match le plus animé de l'année, ça restera pas dans les annales. Non, exactement. Ça a ouvert le score en Ligue 2, Auxerre qui a ouvert le score. C'est sous-marré à la 27e, donc Auxerre, pour le moment, prendrait 5 points d'avance hein, sur Angers et surtout important, 7 sur Saint-Etienne qui est 3e. Et qui s'assurerait encore peut-être un peu plus une remontée. L'Inter mène toujours 1-0 et Madrid aussi toujours 1-0. Tapis Sugar Taylor, c'est Thauvin qui a marqué avec Udinese aussi, on n'en a pas parlé, mais qui avait égalisé face à Sassuolo. Très bien. Le classement, donc Liverpool 67 points, qui est le grand gagnant, le grand vainqueur de cette journée, hein, puisque maintenant il y a 2 points d'avance sur Arsenal, 65 points, et 3 sur City, qui en possède 64. Villa est 4ème avec 59, Tottenham 56, on le disait, et United 6ème, 48. Chelsea, on n'en a même pas parlé, mais ils sont toujours là, hein, 2-2 face à Burnley d'ailleurs. Voilà. Ce week-end, qui ont été rejoints en fin de rencontre. Alors qu'ils jouent à 10, à 11 contre 10 toute la deuxième mi-temps. Donc, c'est voilà, ça dit tout du niveau de Chelsea en ce moment, et qui est seulement 11e avec 40 points, qui est indigne de son niveau. Hein, c'est sûr. De son stade. Et voilà, 11 victoires, 10 défaites. Hein, c'est. Ils ont quand même pas perdu depuis quelques temps. Hein. Ils sont sur entre guillemets bonne dynamique. C'est ça. Mais enfin, ouais, c'est. Après, c'est... voilà, ça reste évidemment. Bien en deçà de ce que Chelsea doit faire, quoi. C'est ça. Et puis en bas, on le disait, Luton qui va jouer le maintien jusqu'au bout, avec 22 points, comme Forest, Nottingham Forest 22 points, Everton 25, et puis Burnley 18, ça va être compliqué, puis Sheffield United 15 points, qui va peut-être être trop court sur cette fin de championnat. Pas de coupe en Angleterre cette semaine, hein, ce sera puisque les demi-finales auront lieu le 20 avril. Je vous rappelle, il y aura City Chelsea. Évidemment, pour Chelsea, c'est la dernière chance pour aller chercher l'Europe, hein, cette cup. Face à City, ça va pas être le plus simple. Et puis il y a ce Coventry United, et pareil pour United, ça peut être une chance aussi. Aller chercher un trophée et puis Une qualification s'il n'y a pas en championnat. Face à Coventry, équipe de première chip. C'était Détroit. Championship, pardon. Je sais plus. On avait regardé, je crois, semaine dernière, un truc comme ça. On va vérifier, mais j'ai un doute. On dirait que c'était Détroit, hein, peut-être. Coventry, je les vois pas en Championship. J'ai regardé en plus il y a pas longtemps le classement de Championship et je. Si, si, ils sont Championship. Ah, championship ouais, si, si, si. Donc des deux, du coup. Ouais, des deux. Et ils sont 7e, ouais, deux. Donc ils ne remonteront pas cette année de Championship. Donc voilà, pour United, c'est probablement le plus abordable cette rencontre. Voilà, donc ce sera au mois d'avril, fin avril, et sinon pour la prochaine journée de Première Ligue, et puis ensuite on va marquer une petite pause avant d'enchaîner avec la France. Une belle affiche. Ce sera même de rien. Il y aura ce United Liverpool. Ouais. Ouais, ça c'est peut-être la plus belle affiche. Oui, a priori. Après Brighton Arsenal, enfin pour les trois premiers en tout cas, Arsenal il y aura quand même un petit morceau à se taper. Hein. Brighton, oui. On l'avait dit quand même, ils font quand même une plutôt bonne saison. Et puis City ce sera Crystal Palace, peut-être c'est eux qui ont le match, on va dire le plus abordable. Le plus abordable, mais voilà. C'est vrai. Voilà pour le foot en Europe, pardon. On va marquer une pause comme je vous le disais. On va ensuite revenir pour la France avec. Un mot en national rapidement, la Ligue 2 aussi, et puis la Ligue 1 bien sûr jusqu'à 21h50, et puis ensuite on fera les pronostics jusqu'à 22h, on va essayer d'être dans les temps. On marque une pause, les directs ça n'a pas bougé, et puis on se retrouve, donc je le dis, rappel, hein, Auxerre 1-0 face à Ajaccio, Tlico mène 1-0 face à Villarreal, et l'Inter mène 1-0 face à Empoli, voilà les rencontres. En cours, et on va les suivre, alors pas jusqu'au bout puisqu'on sera plus là jusqu'à la fin, mais jusqu'au bout de ce qu'on pourra suivre en tout cas. Et côté son, eh bien c'est parti sur la dernière pause, et ensuite on file tout droit jusqu'à 22h jusqu'au pronostic et donc le tofoot comme d'habitude. Allez, c'est parti pour la pause, et on se retrouve dans 4 minutes, le temps d'écouter ce titre. Tout de suite, c'est parti. Normalement, ça va se lancer dans une petite poignée de secondes. Et on se retrouve donc dans 4 minutes pour la suite. Il est 21h27 sur Arc-en-Ciel. A tout de suite pour la suite et la fin de l'arrêt d'Argus Sport. Over here, so grab yourself a beer. I'm with you. Rascals coming with the fever, fever, fever. Live, c'est le groupe N-Trance à l'instant qu'on écoutait pour cette deuxième et dernière pause, puisque maintenant tout droit vers 22h et la fin de l'émission. Exceptionnellement ce soir, on va revenir sur la journée de Ligue 1, mais avant cela on va revenir sur le championnat national. C'était la 27e journée avec tout à l'heure l'USO qui était en déplacement à Niort pour clôturer cette 27e journée. Pas de vainqueur, 0-0. Deux points de perdu importants en tout cas pour Niort, hein, qui reste au moins deuxième, mais qui perd deux petits points dans cette journée. Et heureusement pour Niort et Martigues qui jouait c'était vendredi. De son côté était battu par Châteauroux 1-0. Et ça permet à Niort de rester avec trois points d'avance à cette deuxième place. Et puis sinon le Red Star toujours en tête malgré ce match nul à Cholet chez la Lanterne Rouge, hein, où Orléans avait d'ailleurs perdu la semaine passée, hein, et bien ça n'a pas eu d'incidence pour le Red Star ce match nul donc ce week-end face à Cholet, puisque New York de ce côté a été tenu en échec également, donc le Red Star possède toujours 7 points d'avance en tête, 56 pour le Red Star, 49 pour Niort et 46 points pour Martigues, qui est toujours en embuscade, hein, pour aller chercher cette deuxième place. Pour le Red Star, 10 points d'avance, hein, sur cette troisième place. On rappelle les deux premiers qui montent. Ça semble acquis pour le Red Star. Et puis, Niort et Martigues vont se battre jusqu'au bout pour aller chercher ce deuxième ticket. Derrière, on a Nancy, Rouen à 41 points, ou Le Mans, qui semble assez loin maintenant de cette deuxième place. Donc voilà, a priori ça devrait se jouer entre Niort et Martigues, ce dernier ticket. Orléans, que c'est le match nul, bah, redescend à 9e place. Hein. Il y a eu voilà, 2 défaites et un nul sur les derniers matchs. Voilà, c'est une petite série négative hein, pour Orléans qui est dans le ventre mou maintenant, 9e avec 37 points. Et puis en bas, on rappelle pour l'instant ceux qui sont concernés par la relégation. Cholet, 21 points. Voilà, c'est quasiment acté. Épinal, 23 points, ça va être le cas aussi bientôt. Donc, a priori, Avranches, 26 points. Pour encore espérer. Le Goal FC, Nîmes, Versailles, voilà tout ça, Marignane, Villefranche, tout ça, tous ces clubs qui sont concernés hein, par le maintien encore. Châteauroux avec 35 points aussi, hein, qui est pas tout à fait sauvé. Orléans avec 37 points semble quand même à l'abri, même si attention, il y a que 5 points d'avance sur la zone rouge, donc il faut pas laisser trop de points en route maintenant. 28e journée ce week-end, vendredi, réception pour Orléans de Marignane. Ce sera donc face au 12e du championnat. Donc ce sera donc ce vendredi à 19h30, stade de la Source, pour donc cette 28e journée. On va un mot en Ligue 2 aussi, où bien on le disait en ce moment, bien Auxerre mène 1-0 toujours face à Ajaccio, c'est pratiquement la mi-temps. Et Auxerre voilà, s'installe tranquillement en tête avec cette victoire potentielle. Puisque voilà, il y aurait une belle avance maintenant pour Auxerre. On a Angers qui reste pour le moment deuxième avec un résultat qui était important pour Angers hein, c'était du côté de Concarneau, victoire 4-2, ça permet de rester deuxième. Et puis Saint-Étienne bah, qui revient bien, qui sont une grosse série hein, 5 matchs sans défaite, 3 victoires d'affilée, qui revient à 2 points seulement de la deuxième place. Saint-Étienne, victoire à Valenciennes 2-0, bien installé troisième place. Laval qui est derrière 48 points, on peut encore espérer hein, et s'inviter sur ce podium avec notamment eh bien ce week-end cette défaite hein, face à Bastia 2-1, ça va pas être voilà, un résultat négatif, il y a eu 2 défaites consécutives hein, mais ils sont encore possibles pour Laval. Rodez d'ailleurs ensuite un peu plus loin, quand Guingamp ça va être compliqué. En bas, Valenciennes 17 points. Voilà, c'est quasiment fait. Hein. Il y a 15 points de retard sur Concarneau hein, qui est 18e. Donc a priori, hein, ça va être fait. Quevilly-Rouen 28 points et donc Concarneau, Annecy 33 points. Voilà pour cette Ligue 2 donc qui va se retrouver, on le rappelle, à 18. Donc il y aura 4 descentes hein, évidemment, puisque il faudra revenir à 18 avec les 2 montées nationales. Donc pour l'instant. Valenciennes oui qui est même à plus que ça, qui est à 18 points, donc c'est quasiment fini. Quevilly-Rouen, Concarneau, Annecy toujours concernés, 3 aussi, Bastia ou encore Dunkerque. Bordeaux 38 points, semble un peu plus à l'abri donc de cette relégation. Voilà, et puis samedi et dimanche à nouveau les rencontres qui auront lieu à 19h samedi, et puis lundi sera Auxerre 3 que l'on suivra encore une fois, Auxerre à faveur du lundi soir, et pour essayer encore un peu plus de chercher cette remontée en Ligue 1. Les directs justement, c'est la pause en Ligue 2 entre Ajaccio et Auxerre, 1-0 pour Auxerre. C'est la pause aussi en Italie, l'Inter mène 1-0 face à Empoli aussi, et puis l'Atlético Madrid mène 1-0 aussi à Villarreal, et là on joue la 32e minute. Et on termine avec la Ligue 1 donc, et cette journée donc de Ligue 1 qui avait lieu hier, 27e journée, qui s'est clôturée hier et ça a commencé vendredi donc avec ce choc hein, qui était attendu pour lancer cette journée face à entre deux équipes bah, qui sont concernés par l'Europe hein. C'était Lille-Lens donc, et Lille qui fait la bonne opération du week-end, on le verra, qui se rapproche du podium, et Lens en revanche bah, Lens ça a fait 2 défaites consécutives, et Lens ça commence à tranquillement perdre des points précieux hein. Ah bah pour la course à la Ligue des Champions, on va dire, qui est sûrement quand même leur objectif, on va dire, parce qu'ils font pas, enfin ils font une bonne saison en soi. Ils ont montré d'excellentes choses, évidemment, en Ligue des Champions et même en Coupe d'Europe en général, on va dire. Donc là, c'est sûr que ouais, la Ligue des Champions s'éloigne. Après, il y a aussi les mauvais résultats de Nice qui fait qu'ils sont pas non plus totalement décrochés. Et puis il y a aussi, ils ont aussi de la chance que Marseille derrière, ça avance plus trop non plus depuis quelques matchs, mais ouais, Lens, ouais, ça perd aussi des points. Bon, après ça reste un très gros adversaire, Lille, hein, qui a une très belle équipe avec toujours un beau jeu de proposer par Fonseca et puis évidemment par les joueurs. Donc forcément c'était pas un match facile pour eux, donc c'est pas non plus catastrophique, et puis c'est pas, ils ont pas non plus voilà, sur une dynamique extrêmement mauvaise. Mais voilà, c'est sûr que c'est encore quelques points de perdu pour Lens. Et à l'inverse, Lille qui fait une bonne opération justement pour cette Ligue des Champions, enfin pour cette qualification à la LDC. Ouais, pour l'instant qui serait en tout cas dans tout le préliminaire, mais c'est déjà un grand pas pour Lille. Ce résultat samedi, Monaco qui se déplaçait à Metz avec l'intention cette fois de gagner après pas mal de buts. Beaucoup de buts sur cette rencontre. Ouais, effectivement, il y avait eu ce match nul un peu frustrant pour Monaco face à Lorient sur la journée avant la trêve, qui avait perdu deux points importants. Et bah cette fois Monaco qui a pas laissé le temps au doute de s'installer, puisqu'il y a eu trois buts en un quart d'heure, hein, avec Minamino, Akliouche, Anderson. Et malgré le retour de Metz dans les dernières minutes, bah Monaco s'en sort avec encore deux nouveaux buts, hein, Balogun. Et un doublé d'ailleurs. C'est quand même dommage d'en prendre deux, des buts. Bah oui. Notamment pour le Golavérage, on sait à quel point parfois, c'est surtout en fin de saison comme ça, c'est important. C'est vrai. Et bah, quand on voit, oui, on voit Brest qui a plus 17, on voit Lille qui a plus 15, et on voit Monaco qui a plus 14, bah, ces deux buts, bah, ils pourront compter. Ça pourra compter peut-être. Enfin, c'est une équipe qui est maintenant 17e, hein, qui va encore jouer le maintien évidemment, mais c'était à 4-0, c'est dommage de se relâcher, prendre deux buts comme ça, je ne dis pas bêtement, mais c'est dommage. Petite réaction d'orgueil des Messins, quoi, mais c'est vrai que c'est dommage en plus coup sur coup comme ça de se prendre ces deux-là. Mais bon, après c'est comme ça, mais on va dire que le principal du travail a été fait sur ce match-là, et ça reste une belle victoire importante face, ouais, tu l'as dit, à l'équipe Messine qui est avant-dernière au classement. Donc fallait faire un carton aussi peut-être aussi pour se redonner encore beaucoup de confiance et faire du bien aussi à l'équipe, et donc mine de rien marquer 5 buts, ou en tout cas offensivement, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, ouais. On a ensuite Lyon qui recevait Reims, et d'ailleurs c'est le seul match nul de la journée, ce ouais. Match nul un partout. Voilà pour les Lyonnais. Bon, bah deux équipes, on en avait parlé hein, lors des pronostics, mais deux équipes qui a priori joueront plus rien, donc puisque pour Lyon, bah ça va, enfin pour Reims, même s'il n'y a pas encore trop de retard, ça semble compliqué parce qu'il y a pas mal d'adversaires entre les deux. Et puis pour Lyon, bah si le maintien est quasiment acté. Lyon, c'est vraiment le ventre mou, on va dire, du championnat. C'est vraiment exactement cette dixième place là qui joue plus rien. Donc bah finalement, c'est presque un résultat. Logique, hein, voilà, on s'est pas trop non plus forcé la main pour aller chercher cette victoire, et du coup, bah, ça a fait ce score-là qui est assez logique, et un partout donc entre Lyon et Reims, voilà, qui était un des matchs où il n'y avait pas d'enjeu ce week-end. Là, il y avait de l'enjeu, c'était hier entre Lorient qui recevait Brest. Bah évidemment, pour Lorient, c'est le maintien toujours en tête, hein, pour l'instant ils sont pas racistes, hein. Et puis pour Brest, bah, c'est de rester toujours, hein, installer sa deuxième place. Ils s'y accrochent, hein. Monaco qui était pas loin de la récupérer il y a 15 jours. Il y a un peu de rancœur, non? T'entends qu'on est gasque. Non, mais enfin oui, parce que. C'est accroche, hein. Mais c'est que surtout, c'est de voir Brest en Ligue des Champions l'année prochaine. Je sais pas, ça me. Ouais, parce que ce qu'on dit pareil toutes les semaines quasiment. Enfin, tant mieux pour eux, bravo à eux, pas de problème. Mais... Oui. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça va faire une lance? J'y crois pas, parce qu'il n'y a pas forcément cette ferveur, on va dire, extrêmement populaire, on va dire, à Brest, et cette ambiance dans le stade aussi qui peuvent porter parfois les joueurs. Donc c'est sûr que ça va être compliqué. Après, j'espère qu'ils nous feront une bonne surprise, mais c'est sûr que. Une bonne surprise, ouais. C'est sûr que ça risque d'être assez compliqué pour eux là-bas. Parce qu'on va le laisser, quoi. Ouais. Et là, maintenant, pour plus être, enfin, il y a 7 points d'avance sur le 5e. C'est quand même pas mal. Ouais. Et Brest joue plus rien, donc il n'y a plus que à se concentrer sur. Sur cette ce championnat. Brest joue plus rien. Maintenant, à part la Coupe de France, ils allaient plus, oui, ils pas jouer grand chose. Oui, c'est vrai. Exactement. Nice, bah on le disait, qui depuis quelques matchs n'y est plus, et bah ça fait une troisième défaite, hein, sur les quatre derniers matchs, tout simplement. Cette fois, c'est face à Nantes que ça se passe. Et Nantes qui était pas bien non plus depuis un peu. Il y avait le retour de Camboiré. sur le banc. Ouais. Est-ce que ça y a participé à cette victoire peut-être? En tout cas, Nantes fait un grand pas sur ce match-là en s'imposant. Évidemment pour le maintien, donc 2-1 et Nice qui était revenu par Mofi sur penalty, mais voilà Nantes qui a arraché la victoire sur penalty également. Et bah pour Nice, bah voilà, maintenant Nice va falloir s'accrocher puisque Nice qui n'a plus qu'un point d'avance sur Lens et 4 sur Marseille derrière, donc attention pour Nice. Et puis 3 points de retard donc ouais sur la 4ème place aussi pour encore les Ligue des Champions. Voilà, ouais. Et puis enfin 3 points en soi d'écart avec Lille du coup 4ème, mais presque 4 parce que le goal-average est quand même assez net avantage de assez Lille, conséquent. Ouais. C'est ça. Donc Nice qui s'incline face à Nantes. Clermont-Toulouse. C'était le match de la journée. C'était le match qu'il fallait pas louper. Toulouse, on en parle peu, mais finalement Toulouse qui fait une belle série là. Il y a eu 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est vrai. Cette fois la victime, c'est c'était Clermont qui est que jour dernier du coup 3-0. Voilà donc pour Toulouse, ils sont assez bien installés. Même voilà, si ils sont pas sauvés à 100%, non. Mais en soi, on voit mal comment Toulouse pourrait se casser la figure. Et oui, il voilà, y a quand même. Il y a quand même pas mal d'adversaires entre Lorient et Barragiste et Toulouse. Donc, il faudrait vraiment que tout le monde s'impose derrière. Ça semble quand même improbable. Mais en tout cas, pour Clermont, ça précipite peut-être encore un peu plus cette redescente. Clermont, ça va être compliqué, oui. Ouais. Donc, victoire de Toulouse 3-0. Le Havre, ensuite, qui recevait Montpellier. Le Havre, là aussi concerné par le maintien. Montpellier également. Et c'est Montpellier qui était le mieux classé, qui s'impose donc sur cette rencontre 2-0. Et là aussi qui fait une bonne affaire en s'imposant et qui remonte à la 13e place. Voilà, qui a un petit peu moins d'avance hein, que Toulouse, on en parlait à l'instant, mais qui a quand même quelques adversaires intercalés. Donc c'est aussi une belle opération. Et puis pour le Havre, cette défaite là, va être difficile puisqu'il y a eu 4 défaites d'affilée pour le Havre et il n'y a pas eu de victoire sur les 5 derniers. Donc le Havre qui est vraiment sur une série très compliquée et il va falloir se battre jusqu'au bout. Donc victoire de Montpellier 2-0 au Havre. Et puis avant de parler de Marseille-Paris, la victoire de Strasbourg face à Rennes. Pareil pour Rennes. Ça fait un petit peu que Rennes n'y est plus, avec seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres. Et cette fois, c'est Strasbourg qui s'impose. Et là aussi, Strasbourg, c'est un bon résultat pour vraiment à l'image de Toulouse et de Montpellier. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien aux Strasbourgeois et qui est très importante pour prendre un peu de distance sur la zone rouge. Et ça s'est joué un peu de temps en 2 minutes, 2 buts, 71-73. Et après, plus rien derrière. Ils ont fait le break au bon moment. Et donc Strasbourg prend aussi 3 points très précieux. Et pour Rennes, même si Rennes est fini, il y a encore Marseille et Lens devant. Ouais. Ça va être compliqué pour Rennes qui a tout perdu sur les 2 derniers mois là. Ouais, c'est vrai, ils sont dans une mauvaise passe et comme tu dis, c'était un petit peu la dégringolade au classement aussi là 8e. Ça va être compliqué pour Marseille aussi de remonter là quand on voit les dernières performances. Ouais. Et donc Rennes qui a le même nombre de points et Reims aussi d'ailleurs en 9e. Oui. 39 points tous les trois. Finalement, ouais. Ouais, finalement voilà et puis Reims qui a un goal average négatif hein, contrairement à Rennes et Marseille, Rennes plus 7 et Marseille plus 10. Mais oui, Rennes là en ce moment c'est assez compliqué. Et puis on finit avec donc ce Marseille-Paris donc hier soir donc qui était attendu on avait parlé hein, de cette rencontre évidemment et finalement en Paris même à 10 qui a maîtrisé son sujet même si tout n'a pas été parfait évidemment pour Paris et mais qui s'est quand même rassuré avant le Barça dans 10 jours. Ouais, puis ils ont pu voir aussi qu'à 10 pendant plus d'une mi-temps, ils ont quand même ils ont subi bien évidemment, mais ils ont su tenir la baraque, la défense, Donnarumma aussi. Il a pas eu des grands arrêts à faire. Il y a eu beaucoup de frappes d'ailleurs en plein sur lui. C'est un peu ce que je te disais pendant le match hier soir. C'est que finalement, oui, il y a eu plusieurs occasions, plusieurs frappes évidemment marseillaises, mais c'était souvent sur lui, sur Donnarumma ouais, aussi. C'est ça. C'était pas dangereux. C'était pas extrêmement dangereux. Après, voilà, il y a encore une fois un très très gros Vitinha qui a d'ailleurs marqué le premier but parisien, mais un très grand Vitinha qui a été très très important dans l'entrejeu parisien et qui vraiment, on le redécouvre vraiment cette saison. C'est un petit peu comme on l'avait découvert l'année dernière en début de saison, où on s'est dit tiens, peut-être un autre Verratti ou enfin tu vois un peu ce ouais. genre de joueur là. Et après ça s'est un petit peu essoufflé en deuxième partie de saison de l'année dernière et c'est vrai que là en ce moment il revient très bien, il est presque, enfin il est indispensable pour moi au milieu de terrain parisien. Et associé avec un Zaïre Emery comme ça aussi c'est très bien. Après on a Fabian Ruiz aussi qui a été qui me déçoit à peu près, enfin depuis qu'il arrive au PSG je le trouvais évidemment très bon à Naples et depuis son arrivée au PSG je trouve qu'il est quand même en dessous de ses performances et enfin de ce qu'il peut faire de mieux. Et encore hier hein, même au niveau de la finition il a fait oui. une ou deux frappes ouais. une sûre tu dois cadrer quand même quoi, il faut au minimum cadrer. Oui mais voilà globalement c'était ça et puis voilà un manque de réalisme aussi côté marseillais où oui tu dois quand même si c'est PSG là même si ça reste l'équipe qui surdomine le championnat depuis 10 ans même plus quand tu joues en supériorité numérique pendant autant de temps pendant quasiment une heure en réalité si on compte le temps additionnel à chaque fois ouais. tu dois au moins marquer un but. Voilà, c'est tout. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une faute professionnelle, mais presque. À ce niveau-là, même si c'est le PSG, encore une fois, ok. Mais à la maison, à Marseille, pour le Classico, quand t'as une ambiance comme ça, quand t'as un vélodrome plein, et que t'as pas une équipe, on est pire comme équipe, Marseille, de ces oui. dernières années, je veux dire. Oui, c'est sûr, oui. Bon. Quand t'as des joueurs quand même comme Aubameyang, des Veretout, des Kondogbia, etc. Voilà, tu te dois d'aller au moins aller marquer un but à ce PSG-là réduit à 10. Et ça n'a pas été le cas. Donc encore une fois, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une faute professionnelle, mais on n'est pas loin. Et puis à souligner aussi la sortie sur blessure de Bemba. Oui. Qui a mis du temps à rejoindre le banc. Oui, c'était long. Fait le tour du terrain comme ça. Ce serait que point grave, une simple contusion au genou gauche. Donc potentiellement, on aurait pour quelques jours. Il pourrait revenir pour l'Europe, ouais. Mais il pourrait être là, du coup, pour les quarts de finale d'Europa League. Mais voilà, après, toi, je sais pas ce que tu peux dire aussi sur ce match-là d'hier. Non, mais, ils ont été patients, Paris, quand même, c'est vrai. Le but, il arrive finalement qu'à 53e, hein, ce but de Vitinha. Et cette fois-ci, on l'a vu, ça a bien combiné avec Dembélé, cette fois-ci, qui a pas tenté de frapper, qu'il aurait pu le faire, et ça avait été un échec les deux fois précédentes, et c'est vrai que là, ça s'est bien combiné, mais c'est vrai que Vitinha, sur ce coup-là, il doit pas être tout seul, il a largement le temps de contrôler. Ouais, il est vraiment tout seul, ouais. C'est impossible. Et puis, après, ils ont été malins, puisque, à 10, ils se sont pas livrés, et ils ont attendu ce contre, comme ils le font souvent, et ça, c'est. Paris est excellent. Ils sont tueurs, ils sont vraiment tueurs sur ça, et on l'a vu hier. Et puis, Marseille a été en retard. Sur ces contres-là, à chaque fois qu'il y avait un contre, Paris, c'était quasiment supériorité numérique à chaque fois pour le coup, même à 10. Ouais. Hein, donc, il y avait un problème en défense côté marseillais quoi, aussi. Hein. Ce contre-là, il a été fulgurant et il a fait très très mal. Et c'est vrai que il est presque rentré dans le but. Finalement, il a attendu vraiment le dernier moment pour frapper. Et ça a été malin. Et derrière, c'est presque, logique. Je sais pas si c'est logique, mais sur un 11 contre 11, ça aurait été logique. À 10, c'est dommage pour Marseille. En fin de compte, c'est logique. Oui, si. Quand on regarde vraiment tout le match, ouais. Mais ils auraient pu marquer au moins une fois. Ils ont marqué une fois. Bon, il y a eu ce hors-jeu, mais c'est dommage. Ouais, il y avait mieux à faire, je pense. C'était probable. Puis on voit un petit peu en ce moment, du coup, les limites, on va dire, de l'effet Gasset. Oui, ça y est. Ça s'est un peu retombé depuis deux trois matchs. Mais c'est normal, bien évidemment. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas grand-chose non plus de proposer dans le jeu en soi par les Marseillais. Tactiquement, on va dire ça comme ça. Il y a eu des occasions, évidemment, pour l'OM, mais encore une fois, l'OM n'a pas été assez tueur. Et voilà, puis ça fait 2-0 pour le PSG, même à 10 contre 11 pendant près d'une heure. Et mine de rien, c'est la première défaite au Vélodrome cette année. Hein, c'est la première défaite, ouais. C'est reparti partout. Enfin, en tout cas, c'était la pause entre en Ligue 2 et en Italie, donc c'est reparti. Ça n'a pas bougé et c'est la mi-temps en Espagne. Le classement, donc, est Paris maintenant 62 points, Brest 50 points, Monaco 49 points, 4e Lille 46, Nice 5e 43, Lens à 42 points, et puis après on en a parlé, Marseille, Rennes, Reims 39. Et en bas, pour l'instant, donc Clermont dernier 20 points, Metz 23 points. Lorient 16e, 26 points, barragiste. Le Havre 27, Nantes 28, Montpellier 29. Tout ça, c'est concerné. Même, on le disait, Strasbourg, Toulouse, même si c'est un petit peu plus rassurant. Et ils sont pas sauvés. Et puis Lyon 35 points, 10e à la moitié. Qui ne jouera plus grand chose. Voilà pour ce, Ah puis si, cette semaine on a la Coupe de France. C'est ça que je voulais évoquer. Coupe de France donc cette semaine avec les demi-finales, hein, demi-finales de la Coupe de France. Donc on aura donc demain Lyon-Valenciennes à 20h45 et donc pour Lyon, bah, voilà la dernière possibilité. Ouais. Voilà. Et on disait qu'ils joueraient plus rien, mais si, ils vont jouer ça à fond, oui, évidemment. Ça, mais... Et puis mercredi, Paris-Rennes à 21h10, ce sera sur France 3 d'ailleurs, c'est le match-là. Et puis pour l'autre, enfin les deux ils seront sur Bein, mais celui-ci, Paris-Rennes sur France 3. Et puis Rennes aussi, pour Rennes, c'est aussi peut-être une occasion encore d'aller chercher ce. Ouais, et de sauver, mine de rien, sa saison. Sa saison quand même aussi, ouais. Ouais. Donc voilà, demi-finale de Coupe de France cette semaine. Les pronostics pour finir, on a 7 minutes, hein. On va les faire assez rapidement. Et sachant qu'aussi, si le PSG va au bout, ça offrirait une autre place. Et oui. En Coupe d'Europe pour le 7e du coup au classement, c'est ça, donc oui, là aussi pour donc ça pourrait aussi être un scénario peut-être intéressant, et pour une équipe qui fait une moyenne saison comme l'OM ou Rennes, ça pourrait offrir un ticket en plus en Coupe d'Europe et sauver un petit peu une saison pour une de ces équipes là quoi. Exactement, ouais, donc on en saura plus mercredi après ces deux demi-finales. Les pronostics l'autofoot, bravo Hugo, je crois que c'est mon meilleur score de la saison, hein, je crois. 6 ou 7 sur 9 là, j'ai fait 6 sur 9, ouais, je suis en train de vérifier. Je crois que j'ai l'historique. Ah, il y a eu un 6 déjà, si, mais ah ouais. ça avait pas suffi pour gagner, ouais. Mais il y avait déjà eu un 6 il y a quelques semaines, mais sinon oui, c'est un des meilleurs résultats, mais en tout cas, ouais, belle victoire. 6-3, bravo. J'ai eu la truffe, rien à dire, t'as eu le nez là, et on a, c'est peut-être peut-être autant sur ce match, sur cette journée. Alors il manque des matchs, je sais pas pourquoi. On va les rajouter et on va commencer à pronostiquer. Parce qu'on a 6 minutes pour pronostiquer ça. On va être efficace. On démarre avec vendredi Lille-Marseille. Gros choc. Jouera. Ouais, gros choc. Lille, bah, on parlait 4e, Marseille 7e. Bah, pour Marseille, c'est peut-être la dernière chance là. Il faut gagner pour. Bah pour les deux en soi, mais pour l'OM surtout, évidemment, ouais. pour cette course à l'Europe. Tu me connais, hein, je veux dire Marseille, hein, pas le choix. Moi je vais mettre match nul. Et ouais, c'est possible aussi. Je vois pas plus Marseille reperdre à nouveau, mais il y aura la Coupe d'Europe dans la foulée. Est-ce qu'ils vont être à fond concentrés? Je sais pas, mais Il faudrait. Bah, il faut, bien sûr, mais est-ce qu'ils vont avoir la tête un peu déjà qui sera primordial aussi, ce quart de finale? Bah, on verra. Donc ça c'est vendredi. Ensuite on a donc à 17h samedi, on aura Lens Le Havre. Tout à fait. Donc Lens Le Havre. Lens qui est, on le disait, 6e, Le Havre 15e. Pour moi ce sera Lens sans trop de. Ouais, je te suis aussi. De surprise normalement, je pense. Ça devrait le faire. Paris Clermont à 21h. Bon bah premier dernier, voilà, c'est le choc des extrêmes. Bon, pour moi ce sera Paris sans Paris problème aussi, non plus, bien sûr. Pour se rassurer une dernière fois avant le match du Barça. On passe à dimanche 13h, on aura Brest face à Metz. Est-ce que Brest va enchaîner, qui reçoit le 17e? Ouais. Cet adversaire là Metz 5 est assez faible quand même. Ouais, je vais dire Brest. Ouais, je pense aussi. Montpellier Lorient à 15h. Montpellier est 13e, Lorient 16e. Attention Lorient pour revenir sur Montpellier en cas de victoire, mais je tente une victoire lorientaise pour ma part. Allez, moi je vais mettre allez, match nul. Toulouse-Strasbourg, là aussi c'est un match important. Deux équipes qui viennent de gagner, qui se sont un petit peu compris un petit peu d'avance sur la zone rouge, mais l'un des deux peut-être pourra faire un grand pas encore. Moi je vais mettre allez, Toulouse, qui est sur une belle série. Ouais, je vais être petit bras entre guillemets, je vais mettre match nul. Ok, c'est pas mal aussi. Je vais pas me mouiller. Reims-Nice, ensuite on a Reims, donc 9e, Nice 5e. Moi je vais mettre Nice qui va revenir. Allez, je vais tenter le nul. Pourquoi pas Nice, ouais. 7h, match important aussi, Monaco face à Rennes. Monaco 3e, Rennes 8e. Mais Rennes qui jouera mercredi, hein. Ouais, moi je mets Monaco pour ma part. Moi aussi. Oui, donc Monaco qui aura joué donc mercredi, Rennes qui aura joué mercredi, Paris aussi, bon bah ça, mais bon c'est clairement. Et puis Lyon. Jeudi Rennes. Non, alors là c'est la Coupe de France. Ah, Coupe de France, donc Rennes, Rennes mercredi et Paris mardi et Lyon aussi qui joue, donc qui recevra Nantes à 20h45, jouera aussi du coup demain, mais bon, ce sera face à Valenciennes. Donc bah, le, ce Nantes-Lyon important puis pour Nantes surtout, 14 points Lyon 14e, Lyon 10e. Je vais mettre je vais te laisser parler en premier avec le score. J'en sais rien, est-ce qu'il y aura encore un espèce d'effet Comboiré, est-ce que j'en sais rien, je sais pas trop. J'hésite entre un nul ou Nantes. Moi aussi j'avais envie de mettre peut-être un nul aussi, mais ou Lyon, enfin je sais pas. Tout quoi. Non mais c'est, ouais, c'est vraiment un match assez compliqué, mais en plus là un score exact. Moi ouais. je vais mouiller pour le coup, je vais mettre 2-1 pour Nantes. Allez. Et bah moi je vais tenter le 2-2. Je crois que je mets jamais de nul sur le dimanche soir, mais là je vais le tenter. Lyon aura joué demain. Bon après c'est que dimanche. Hein. Oui. Match, hein. Et puis Nantes, ouais, est-ce que ça peut à domicile avec Comboiré, bon. Le bien la victoire aussi pas vilain, enfin rien n'est scandaleux. Non, c'est ça. Un point direct avant de se quitter, aussi à 1-0 toujours, Ajaccio 55e, Madrid 1-0 à la pause face à Villarreal et l'Inter 1-0 face à Empoli 52e. Cette semaine, bon, on vous le disait, Ligue 1, Ligue 2, nationale aussi, on aura je vous le disais aussi pour l'OLB en basket en Pro B, match à domicile Comet Arena, ce sera ce samedi pour la 28e journée, non ce sera la 27e journée face à Chalon-Reims vendredi à domicile, et puis pour Saran on le disait aussi un match à domicile pour essayer de en handball de prendre un peu plus d'avance sur la zone rouge, on verra bien si c'est possible. Voilà, et puis bah après le foot, on l'a dit, tout le programme habituel avec l'Europe aussi, comme d'habitude, et puis une journée en top 14 en rugby, et quelques tournois de terre battue en tennis pour le début de la saison. Un dernier titre, et on va se quitter avec ça, et il est presque, on est à l'heure, bravo. On est pas mal du tout. Je te laisse le choix du titre. Et ben, comme on est sur une radio portugaise, je vais pas mettre un son portugais mais brésilien, avec Parado no Bailao. Ouais, ça aurait de l'accent, hein, parce que c'est pour que Rémi ne puisse bien la trouver. C'est sympa. Si je mets un semblant d'accent, je sais pas si t'aurais compris. Et ben c'est parti, on écoute ce titre. On se donne rendez-vous lundi prochain. Hugo, merci pour ta présence en studio. Rendez-vous lundi prochain. Tout à fait. 20h30, 22h30, classique pour la semaine prochaine. D'ici là, bonne soirée. Bonne semaine et vive le sport. Ciao. Ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão.